إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واشكروا الله على إحسانه وإنعامه عليكم واعلموا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه وزاد الترمذي والنسائي والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وزاد البيهقي والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله عليها سعادة الدنيا والآخرة وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد وذكر حدودها بكلام جامع شامل وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده فإن هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمين فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائما بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين فسلامتهم من شره القول والفعل عنوان على كمال سلامته Serviteur d'Allah, craignez Allah et sachez que vous devez être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et ses bienfaits sur vous. Serviteur d'Allah, il a été rapporté de la part d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman c'est celui dont les autres musulmans sont exemptés du mal de sa main et de sa langue ou de sa langue et de sa main. Et il a dit également que le muhajir, celui qui émigre, c'est celui qui quitte ou qui s'écarte de ce que Allah lui a interdit. Donc celui qui fait la vraie hijra, qui quitte le mal et qui quitte ce que Allah lui a interdit. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Tirmidhi wa al-Nasa'i ont rajouté à la version de ce hadith que le mu'min, le croyant, c'est celui dont les gens sont en sécurité par rapport à lui ou vis-à-vis de lui dans leur sein et dans leur bien. Et l'imam al-Bayhaqi a rajouté également à cette version du hadith, il a dit « Et le mujahid, celui qui fait le djihad, c'est celui qui lutte contre lui-même dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ». Et donc il a été rapporté ou mentionné dans ce hadith la perfection et la signification complète et noble qui sont contenues dans les différents termes qui sont mentionnés dans ce hadith. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis, il a mis comme répercussion de l'application des termes de ce hadith le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire le fait d'établir et d'appliquer l'islam et la foi, al-iman, et de même que al-hijra, le fait d'émigrer dans le sentier d'Allah, et le fait de lutter dans le sentier d'Allah également. Et il a mentionné également, pour chacun de ces différents termes, une définition complète et globale qui donne aux musulmans une compréhension de ce que ces termes peuvent signifier. وَأَنَّ الْمُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. Donc le musulman, c'est celui dont les autres musulmans sont en paix et sont épargnés du mal de sa langue et du mal de sa main. Et la raison pour ça, c'est parce que l'islam, le vrai islam, c'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en complétant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et en se tenant sur ses droits et en appliquant et respectant les droits des musulmans également. Et cela n'est pas possible et cela ne peut pas être complété excepté lorsque le musulman aime pour son frère musulman ce qu'il aime pour lui-même. Et on ne peut pas réaliser cela excepté en épargnant le musulman et les autres musulmans du mal qui peut venir de notre langue ou du mal qui peut provenir de notre main. فَإِنَّ هَذَا أَصْلُ هَذَا الْفَرْضِ. Parce que c'est ça la base de cette obligation qui est sur le musulman. Et celui dont les autres musulmans n'ont pas été épargnés du mal de sa langue et du mal de sa main, alors comment peut-il établir et respecter cette obligation qui est sur lui envers ses autres, envers ses frères? Et donc, pour que le musulman ait complété le sens complet et parfait de son islam, il doit faire en sorte que les autres soient épargnés du mal de sa langue et du mal de ses actions. Et on peut constater que ces caractéristiques et ces descriptions et ces conditions sont totalement absentes chez les innovateurs et les gens de bid'a parmi les groupes qu'on appelle les khawarij, qui tuent les musulmans et qui n'ont aucun respect pour leur vie et qui les déclarent mécréants et qui leur font du tort avec la langue également. Donc ça, c'est des exemples comment certains égarés ont contredit les enseignements les plus importants de l'islam. وَفُسِّرَ الْمُؤْمِنُ بِأَنَّهُ الَّذِي يَأْمَنُهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فَإِنَّ الْإِيمَانَ إِذَا دَارَ فِي الْقَلْبِ وَامْتَلَأَ بِهِ أَوْجَبَ لِصَاحِبِهِ الْقِيَامُ بِحُقُوقِ الْإِيمَانِ الَّتِي مِنْ أَهَمِّهَا رِعَايَةُ الْأَمَانَاتِ والصدق في المعاملات والورع من ظلم الناس في دمائهم وأموالهم ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه وأمنوه على دمائهم وأموالهم ووثقوا به لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمان لمن لا أمانة له. Et la foi a été interprétée et expliquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith comme étant celui, le croyant, et il a dit que le croyant c'est celui dont les autres musulmans sont en sécurité vis-à-vis de lui dans leur sein et dans leur bien. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir peur par rapport à ce qui va venir de ce musulman-là vis-à-vis de notre personne, de notre vie. Il ne va pas essayer de nous attaquer ou de nous tuer et de nous faire du tort à notre personne et de même que dans nos biens également. C'est-à-dire il ne va pas nous voler, il ne va pas nous prendre ce qui nous appartient. Donc ça c'est la caractéristique du croyant. Parce que la foi, lorsqu'elle est dans le cœur et qu'elle a rempli le cœur du croyant, elle fait en sorte et elle oblige que celui qui a possédé cette foi, eh bien, il respecte et il établisse le droit de la foi. Et parmi les plus importants des droits de la foi, c'est de respecter le dépôt et le gage qui a été donné à quelqu'un. C'est-à-dire que si quelqu'un nous a donné un dépôt, ou nous a donné un gage, ou nous a donné une responsabilité quelconque, et que cette personne-là nous fait confiance, eh bien, on doit respecter ce gage, et on doit respecter ce dépôt, et on doit faire preuve de véracité et de sincérité dans les interactions qu'on a avec les autres. Et de même qu'on doit faire attention de ne pas commettre d'injustice aux autres dans leur sein ou dans leur bien. Et parmi les exemples de ça, c'est que lorsque quelqu'un a su qu'un musulman a respecté les conditions de la foi et les droits de la foi, eh bien, il va agir ainsi. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que les autres soient en sécurité vis-à-vis de lui dans leur sein et dans leur bien. Et ils auront confiance en lui parce qu'ils savent que cette personne respecte le dépôt et les gages qu'on lui a fait et que c'est une personne de confiance. Parce que le fait de respecter le gage, hein, et al-amana, qu'est-ce qu'on appelle al-amana, d'être une personne fiable et honnête, ça fait partie des caractéristiques les plus particulières qui sont ordonnées et rendues obligatoires par la foi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas d'amana, il n'a pas d'iman. C'est-à-dire celui qui n'est pas une personne fiable et honnête dans ses engagements et dans les dépôts qu'on lui a donnés, eh bien, il n'a pas de foi. C'est-à-dire que c'est une personne dont la foi est faible ou déficiente. وفسر صلى الله عليه وسلم الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي وهذا الفرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات والإقدام على المعاصي والهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام والسنة جزء من هذه الهجرة وليست واجبة على كل أحد وإنما تجب بوجود أسبابها المعروفة. Et on a également dans ce hadith l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au terme hijra et à qu'est-ce que la hijra signifie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que la hijra, c'est celui qui s'est écarté de ce que Allah lui a interdit. Et donc, la hijra, c'est de s'écarter de tous les péchés et les désobéissances envers Allah. Et ça, c'est une obligation pour tout musulman qui a atteint at-taklif, l'âge et qui a la raison, qui doit s'écarter. Il a atteint la puberté et il a atteint l'âge de raison. Il doit s'écarter de tout ce que Allah lui a interdit dans toutes les circonstances. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au serviteur de transgresser ce qu'il a interdit ou de se diriger vers la désobéissance. Et il y a une autre hijra qui est plus particulière, qui est mentionnée dans la sunna, et c'est bien entendu la hijra, c'est-à-dire le fait de quitter les pays de mécréance et les pays d'innovation pour aller vers des pays de l'islam et des pays de la sunna. Et ça, c'est une partie de la hijra, c'est-à-dire c'est une partie du fait de s'écarter des péchés. Puisque dans les pays de mécréance et dans les pays d'innovation, c'est des endroits où les gens sont encouragés à désobéir à Allah. Et puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la hijra, c'est de s'écarter de ce que Allah nous a interdit, eh bien, en s'écartant des endroits ou des pays où on est poussé vers la désobéissance, eh bien, on s'écarte du péché en même temps. Donc, c'est une partie du sens général de la hijra qui est mentionnée dans ce hadith-là. Bien entendu, cette hijra est plus particulière et elle n'est pas obligatoire à toute personne. Bien entendu, elle est obligatoire selon les causes et selon les conditions bien connues dans ce sujet. وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات وأمارة بالسوء وسريعة التأثر عند المصائب تحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله وثباتها عليها ومجاهدتها عن المعاصي عن معاصي الله وردعها عنها وجهادها على الصبر عند المصائب وهذه هي الطاعة هذه هي الطاعات امتثال المأمور واجتناب المحذور والصبر على المقدور. Et donc on a interprété également que celui qui lutte, qui fait le jihad, c'est celui qui lutte contre lui-même dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'âme de l'être humain, elle penche vers la paresse, hein, de faire le bien. L'âme de l'être humain, parfois, ordonne à l'homme de faire le mal. L'âme de l'être humain, parfois, elle est influencée négativement lors des malheurs qui tombent sur elle. Et donc, elle a besoin d'endurance. Elle a besoin de lutter pour s'imposer à elle-même et se forcer à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et pour rester ferme sur cette obéissance. Donc, il faut absolument lutter. Il faut absolument faire des efforts pour arriver à rester constant sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour continuer à faire le bien. Voilà les différentes formes d'obéissance que nous devons respecter. Hein? Lutter contre notre âme dans le fait d'être endurant lorsqu'il y a des malheurs. Toutes ces choses-là font partie de l'obéissance d'Allah. De respecter ce qui nous a été ordonné, de s'écarter de ce qui nous a été interdit et de faire preuve d'endurance par rapport à ce qui nous a été prédestiné comme malheur ou comme difficulté. فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها. Et donc le mujahid, celui qui est vraiment un mujahid et qui lutte dans le sentier d'Allah en réalité, c'est celui qui a lutté contre son âme dans ces trois choses, hein, et qui a établi les obligations et les exigences de ce jihad. ومن أشرف هذا النوع وأجله مجاهدتها على قتل الأعداء ومجاهدتهم بالقول والفعل فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين. Et également, parmi les formes les plus nobles de jihad, il y a le fait de lutter contre les ennemis et de lutter contre eux par la parole et par l'action, parce que cela, hein, c'est-à-dire la lutte dans le sentier d'Allah, c'est la bosse la plus haute ou le point le plus élevé de la religion. Et bien entendu, par rapport à cet exemple du jihad, on sait, hein, étant donné qu'il y a toutes sortes de fitnes qui se passent actuellement dans le monde musulman, hein, et on sait de la part de certains groupes, comme on en a parlé dans les khutab précédentes, des groupes de khawarij et des groupes de takfir qui s'organisent en groupe et en association dans différents pays musulmans et qui se permettent de tuer les musulmans au nom de l'islam ou de prétendre que ce qu'ils font c'est le djihad, alors qu'en réalité ils ne font que semer le désordre et de faire répandre et couler le sang des innocents au nom de l'islam. Et l'islam est innocent de ce genre de choses, et ça n'a rien à voir avec le djihad légiféré par l'islam. Puisque, comme on l'a expliqué dans plusieurs khutbas, le djihad a des conditions, tout comme la salat a des conditions. Hein? Et si ces conditions-là ne sont pas respectées, même si une personne s'imagine être en train de faire le bien, eh bien, il n'est pas en train d'établir l'adoration et l'obligation que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire. Et donc, on sait que parmi les conditions du djihad, il doit être fait derrière le dirigeant des musulmans, c'est-à-dire derrière le responsable, derrière le président. C'est-à-dire, c'est lui qui doit ordonner ce djihad. Et parmi les conditions, c'est qu'il doit être fait derrière une bannière islamique. Il ne peut pas être fait, hein, dans des bannières qui appellent à autre que l'islam, ou qui prêchent autre que l'islam. Et il ne peut pas non plus être fait lorsque les musulmans n'ont pas la capacité de le faire. Et que le fait de se précipiter vers ce genre de choses, ça peut ramener aux musulmans un mal et un tort plus grand. Hein? Donc de vouloir faire le djihad alors que le musulman n'est pas apte à le faire parce qu'il n'a pas la force suffisante pour être capable de le faire, eh bien ça fait en sorte qu'il se ramène contre lui-même un mal plus grand. Et on a lu dans le hadith, au tout début de la khutbah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih » C'est-à-dire que le musulman, c'est celui dont les autres musulmans sont épargnés de son mal, du mal qui vient de sa main ou de sa langue. Il ne fait pas de tort aux autres musulmans avec sa main et il ne fait pas de tort aux autres musulmans avec sa langue. Mais parfois, on peut faire du tort aux autres indirectement. On peut faire du tort aux autres directement, puis on peut faire aussi du tort aux autres indirectement. Et la façon comment on peut faire du tort aux autres indirectement, c'est comme par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba que l'un d'entre vous n'insulte pas ses parents. Et les sahaba ont dit, mais comment l'un d'entre nous pourrait insulter ses propres parents? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lorsque tu insultes les parents des autres, eh bien ça va faire en sorte que eux par la suite vont insulter tes parents. Et étant donné que tu as été une cause là-dedans, parce que puisque tu as insulté leurs parents, ça a fait en sorte qu'ils insultent tes parents, eh bien c'est comme si tu les avais insultés. C'est comme si toi-même avais insulté tes parents. Et donc si tu fais un tort à quelqu'un, et tu sais que le fait de faire un tort à cette personne va avoir comme répercussion que un tort plus grand ou égal va revenir contre toi, eh bien dans ce temps-là, tu dois t'abstenir de faire du tort à cette personne. Parce que tu sais qu'il y aura des répercussions et que ça va ramener du mal. Et donc, ça c'est des exemples que parfois certains musulmans, ils font du tort aux autres musulmans par le fait de faire des provocations ou de faire des actes qui vont avoir comme répercussion qu'ils vont être opprimés ou attaqués par la suite. Mais parfois certains musulmans manquent de sagesse et ils pensent que d'agir de certaines façons c'est un signe de force ou de courage, alors qu'en réalité c'est de la stupidité et de l'ignorance et de la bêtise. Et l'islam nous ordonne d'être sages et de savoir quand manifester la force et de savoir quand manifester de la patience. نعم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله فهذا الحديث الذي قرأناه من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله من سلم المسلمون من لسانه ويده وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وهجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه على طاعة الله فإنه لم يبقى من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله ولا من الشر شيئا إلا تركه ولا من الشر إلا تركه. Et donc dans ce hadith qu'on a lu, chers frères, serviteurs d'Allah, il y a ce qui indique yani que cette religion elle a parlé et réglé et clarifié tous les aspects de la vie nécessaire pour le musulman. Et pas seulement les aspects de la foi et les aspects qui ont rapport avec la spiritualité, mais également les aspects qui ont rapport avec les interactions et les relations entre les hommes. Approchez-vous un peu pour laisser de la place à ceux qui veulent rentrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, le musulman, c'est celui qui fait en sorte que les autres musulmans vont être épargnés de son mal. Du mal qui pourrait venir de sa langue ou qui pourrait venir de sa main. Et il a dit que le croyant, c'est celui qui est épargné et en est du mal que quelqu'un pourrait faire aux autres dans son sang et dans ses biens. C'est-à-dire, il ne va pas tuer un autre musulman, il ne va pas lui faire du tort, il ne va pas le blesser et il ne va pas prendre ses biens ou qu'est-ce qui lui appartient. il va pas lui faire du tort. Et le musulman, c'est celui qui s'écarte de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit, c'est-à-dire celui qui fait la hijra, c'est celui qui s'est écarté de ce que Allah lui a interdit. Et le mujahid, c'est celui qui lutte pour établir yani l'obéissance d'Allah sur lui-même et qui s'efforce à établir yani l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa personne. Et donc celui qui a appliqué ce hadith-là, il ne reste aucun bien, que ce soit un bien dans la religion ou dans la dunya, que ce soit un bien qui est apparent ou caché, excepté qu'il va le faire. Et il n'y a rien de ce qui est mal, excepté qu'il va l'abandonner et s'en écarter, puisque ce hadith-là a tout clarifié. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les groupes d'égarement et les groupes de bid'a parmi cette umma qui aujourd'hui dans différents pays du monde sont en train de faire de la corruption et du désordre, et qui sont en train de faire couler le sang des innocents, et qui sont en train de détruire les biens qui appartiennent aux musulmans, eh bien on voit que ces gens-là n'ont rien respecté des enseignements les plus importants et les plus fondamentaux de l'islam. Et on voit et on constate ce qu'ils font maintenant en Irak et en Syrie, et qu'est-ce qu'ils ont fait ailleurs également dans d'autres pays musulmans, que ce soit en Algérie ou en Égypte ou ailleurs dans d'autres pays musulmans, que ce soit par des attentats terroristes ou que ce soit par des guerres qu'ils ont causées, ou que ce soit des interventions qui ont été causées à cause de leurs mains de la part des koufars et des ennemis de l'islam. Tout ça, ça revient à la contradiction des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont mentionnés dans ce hadith de la part de ces khawarij. Et on a déjà fait une khutba dans cette mosquée exprès pour clarifier le danger et le mal qui vient de la part des khawarij et de ceux qui appellent à la voix des khawarij. Et sachez que dans cette ville, à Montréal en particulier, il y en a de nombreux qui font partie de cette secte et qui appellent à ces idéologies et qui encouragent ceux qui prônent cette idéologie de takfir et de façade et de faire le désordre et de appeler à faire couler le sang des musulmans et des non-musulmans injustement. Et donc c'est pour cette raison que c'est un devoir pour chaque musulman qui a la connaissance et qui a la compréhension de l'islam de mettre en garde les autres musulmans pour faire en sorte qu'ils soient préservés contre ces idéologies d'égarement. Et on avait parlé dans les khutbah précédentes, on a expliqué le mal et le danger de groupes comme Boko Haram, de groupes comme Al-Qaïda, de groupes comme Daesh, maintenant qui fait beaucoup de désordre dans les pays arabes et dans d'autres pays également. Tous ces groupes-là, que ce soit les frères musulmans ou autres, font partie de cette mouvance qui ont l'influence des frères musulmans, qui ont l'influence des khawarij, qui ont l'influence de vouloir à tout prix prendre le pouvoir politique dans les pays musulmans, à tout prix et par tous les moyens nécessaires, et qui s'imaginent que qu'est-ce qui est important dans l'islam, c'est le résultat. Peu importe le moyen qui est employé et utilisé pour obtenir ce résultat. Et ça, c'est totalement contraire et opposé au principe de l'islam. Puisque dans l'islam, le plus important, ce n'est pas le résultat. En islam, le plus important, c'est la façon dont on s'y prend pour obtenir notre résultat. Si on obtient un bon résultat, mais qu'on n'a pas pris pour obtenir ce résultat les moyens qui ont été légiférés par Allah subhanahu wa ta'ala et les règles qui ont été établies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter aucune de ses actions et aucune de nos œuvres. Puisqu'une des conditions pour que nos œuvres soient acceptées par Allah, c'est que les œuvres qu'on fait et le travail qu'on fait soient faits selon les règles et les conditions de la charia d'Allah. Donc si tu veux établir un état islamique, mais que pour y arriver, tu vas rendre licite la mécréance, tu vas rendre licite le shirk, tu vas rendre licite les bid'ah et les innovations, tu vas rendre licite le crime et le fait de tuer et de faire couler le sang des innocents, tu vas rendre licite la trahison et le péché et la désobéissance, tout ça tu le fais au nom de vouloir établir un état islamique, et pour établir la charia, alors que ce sont toutes des choses que la charia est venue pour interdire, alors ça c'est de la contradiction et de l'absurdité. Tu ne peux pas établir l'islam par la contradiction de l'islam. Tu ne peux pas établir la charia en contredisant la charia. Hein? Et même si tu arrives à faire quelque chose, et que tu essaies de faire quelque chose pour arriver dans ce sens, sans prendre le bon moyen, Allah ne l'acceptera même pas. Et au jour de la résurrection, même si tu arrives devant Allah et que tu dis, « Oh Allah, voici ce que j'ai établi pour toi, voici ce que j'ai fait pour toi », Allah subhanahu wa ta'ala va le rejeter à ton visage. Et il va dire, « Tout ce que tu as fait, tu l'as fait sans respecter mes règles, sans respecter mes enseignements, sans respecter ce que mon prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour t'enseigner, alors tout ce que tu as fait ne vaut rien que de la poussière. » وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. On a pris ce qu'ils avaient fait comme effort et on l'a fait devenir de la poussière éparpillée par le vent. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Voulez-vous qu'on vous apprenne qui sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux qui faisaient beaucoup d'efforts dans la vie d'ici-bas et qui s'imaginaient être en train de faire le bien. Ils s'imaginaient être en train de faire le bien. Ils s'imaginaient être en train de faire le djihad. Ils s'imaginaient être en train de vouloir établir la charia d'Allah. Mais ils faisaient tout le contraire de ce que l'islam enseignait pour y arriver. Et ils tuaient des innocents. Et ils faisaient couler le sang. Et ils déclaraient les musulmans coufards. Et ils trahissaient les dirigeants à qui ils avaient donné l'obéissance auparavant. Pour, soi-disant, arriver à établir ce qu'ils veulent. Tout ça, c'est des choses contraires à l'islam. Et pour terminer cette khutba, un petit rappel en même temps pour le fait qu'on est entré dans les 10 derniers jours du Ramadan. Et quand on entre dans les 10 derniers jours du Ramadan, sachez que c'est une période dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts pour faire du bien, redoublait d'efforts dans la générosité, redoublait d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été décrit dans les hadiths, il dit que dans le Ramadan, il était comme ar-rih al-mursala, hein, c'est-à-dire le vent qui ramène le bien, hein, qui ramène beaucoup de bien. Il donnait fi sabilillah, il faisait preuve de générosité, il priait encore plus, il faisait encore plus de d'aumônes et de bonnes œuvres et d'adoration. Donc, redoubler d'efforts dans ces 10 derniers jours. Sachez que dans ces 10 derniers jours, il y a une nuit. Et cette nuit-là vaut plus que 1000 mois. C'est Laylatul Qadr, la nuit de la destinée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit dans quelle nuit cette nuit-là se trouve. Il nous a dit qu'elle était dans les jours impairs. Il a dit, cherchez-la dans les jours impairs. Donc, il faut essayer de faire des efforts pour essayer de la trouver cette nuit. Et la raison pour laquelle il ne nous a pas dit dans quelle nuit elle se trouve, même si la plupart des gens aujourd'hui s'imaginent que c'est dans la 27e nuit, sachez qu'elle n'est pas nécessairement dans la 27e nuit. Elle peut être dans la 27e nuit, mais elle peut être également dans la 23e, dans la 21e, dans la 25e, dans la 29e. Ce n'est pas obligatoire qu'elle soit dans la 27e, parce que certains musulmans aujourd'hui ont fait de la 27e nuit du Ramadan une fête. Et parfois ils ne viennent pas tout le Ramadan à la mosquée, mais ils viennent la nuit du 27 seulement. Et ça devient une innovation si les gens prennent ça de cette façon-là. Juste pour dire, ça y est, j'ai prié une nuit et j'ai fait 1000 mois, alors le reste de l'année, j'ai plus besoin de prier, parce que j'ai prié 1000 mois. Hein? Non, c'est pas comme ça qu'on doit prendre la religion d'Allah. On doit prendre la religion d'Allah avec sérieux et avec sincérité. Naam. Et donc, ça c'est le rappel pour faire preuve de plus d'efforts. Et si par exemple, dans le début du Ramadan, on a fait preuve de négligence, on a fait preuve de manquement, on a été un peu paresseux, on a manqué dans nos responsabilités et dans nos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala,